DiCaprio, Lil Tony Lisa. Stanskin, Karai, Karai. Baby, je sais voir quand tu me mens. Je me barre et m'accroche contre ce vent. Tu sais, c'est fou comment j'attends ce moment où toi et moi prendrons le temps de s'aimer sans tricher. Ces armures qui n'ont que belle allure. Tant de désirs de toi et moi s'enlacent au fur et à mesure. Nos souvenirs me rappellent et je ne peux me passer de toi. Hey, laissant tomber nos barrières. Ooh, avant que nous jettent face contre terre, peut-on s'aimer? Chacun portait sa croix, et c'est comme ça. Mais voilà, on a appris de nos histoires. Ça me donne envie d'y croire, oui, de croire à notre histoire. Don't you ever try to understand what real love can be. I love you, but when I try to touch you, then you suddenly disappear. Sometimes your faith maintains that they're the only one that ever loved. But when you turn your back, she's hard, hard and can't even move. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Woo. Je t'ai aimé. Sans tricher.